Votre instant d'évasion. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Vous écoutez La courte échelle. Destination Québec. Direction le Québec pour ce nouveau numéro de La Courte Échelle. Au Québec, nous allons découvrir des artistes indépendants, évidemment, puisque c'est le leitmotiv de La Courte Échelle. Et cette semaine, les artistes québécois sont ici chez eux. Allez, on commence sans plus tarder par Tom Gagnon, qui est natif d'Amqui, dans la vallée de la Matapédia. Dès son plus jeune âge, il s'est produit seul sur scène avec sa guitare. Et le voici avec Ma Matapédia, justement, qui d'autre que lui peut nous en parler de cette manière. Je te conterai mon histoire à l'ampleur de ce pays-là. Je crie tout bas, tu n'entends pas. J'ai ouvert la fenêtre, c'est grand la Matapédia. Maison de verre et mon corps qui a froid. Mon cœur, il y a la lumière. Dans ma tête, il y a toi. Je crie tout bas, tu n'entends pas. J'ai ouvert la fenêtre. C'est grand la Matapédia. Je vous propose un extrait du deuxième album du trio À Cheval Donné. Je chante à cheval, le trio montréalais présente une nouvelle direction musicale en visitant un des premiers succès de Willy Lamotte. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Je chante à cheval, accordant sur ma guitare. Je chante des refrains de l'Ouest canadien. Tout le long de mon parcours, en passant par Gravelbourg, j'aperçois une jolie femme aux yeux doux. Soudain, je m'approche d'elle. Je lui dis, chère demoiselle, venez-moi s'il vous plaît, oui, votre main. À cheval sur les chemins. Moi je viens d'une grande ville, je suis de passage dans ma famille. grave pour, c'est là que j'ai connu l'amour et je chante pour la petite femme aux yeux doux. Elle me suit dans les grandes plaines, chaque jour on se promène et nous chantons tous deux des mélodies car nous sommes devenus de grands amis. Je chante à cheval, m'accordant sur ma guitare, je chante des refrains d'ouest canadien. Le long de mon parcours, en passant par Gravelbourg, j'aperçois une jolie femme aux yeux doux. Soudain je m'approche d'elle, je lui dis chère demoiselle, donnez-moi s'il vous plaît, oui votre main, et nous suivons ce beau chemin. Elle me suit dans les grandes plaines. Le Cowboy, il en est encore question avec le groupe sorti 166 qui a vu le jour en 2020. Ce duo est formé de Sylvain Sauvageau et Danny Armstrong. Ce sont deux multi-instrumentistes qui se sont connus à l'été 2012. Voici le Cowboy. Destination Québec. Dans les mêmes draps, dans cette chanson, Roxane Garceau nous raconte qu'il peut nous arriver d'avoir envie d'une aventure avec un inconnu pour une nuit, mais ça peut aussi devenir pour la vie, et pourquoi pas passer sa nuit dans les mêmes draps. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Au gars que je connais pas, il me dit que c'est que tu fais à soir. Je Après avoir sillonné le Québec, les Maritimes et une dizaine de festivals européens, Kim Ourucru est prêt pour ce 8e album à parcourir les villes du Québec et d'ailleurs. La voici avec le jean de la vieille usine. Écoutez la courte échelle. Destination Québec. Destination Québec. Dominique Desjardins est banjoïste et guitariste ténor de formation. Alors ce n'est pas son dernier titre que l'on va écouter. Pile ou face est sorti en août 2021, je vous le propose. Je quitte l'île, ce ça a toujours été mon style. La zone grise, la game indécise, c'est quoi le plan? J'entends toujours les chants d'oiseaux de nuit, mais pas assez fort pour me sortir de mon lit. Et résonne encore l'écho de mes imbroglios, tout bien que je suis rendu trop. J'ai pas d'excuses. On m'a souvent averti. J'ai pas d'excuses. J'ai déjà passé par ici. Des fois je relaxe assez longtemps pour ressentir, sentir ce qui m'entoure pis ce qui cuit dans le four. J'ai pas d'excuses. On m'a souvent averti. par ici. Je tourne en rond dans mon marathon, plus square que soit l'élastique. Je garde mes distances avec le houblon, check ça. Slacker ma production de Bill. L'autrice, compositrice, interprète et multi-instrumentiste Anna Valske vous propose On tient le monde à bout de bras, un extrait de son EP Morphologie A. La courte échelle. Le rendez-vous des artistes indépendants. Deviner la lumière dans le diamant de ta colère noire, tu trembles. Regarder s'enfuir les heures pendant que les vivants se meurent, mais je ne pleure. Je ne pleure pas. fracture programmée fera tomber nos artifices. Nous n'entendrons que le silence et tu verras tout de moi. Quand la fracture programmée fera tomber nos artifices, nous n'entendrons que le silence et je verrai tout de toi. Quand la fracture programmée fera tomber nos artifices, nous n'entendrons que le silence et nous comprendrons pourquoi. Quand la fracture programmée a fait tomber nos artifices, nous n'entendons que le silence. Sans transition, voici Daniel Thibodeau avec Clown. La courte échelle, destination Québec. La courte échelle. Il suffit de fermer les yeux quelques secondes en pensant à un souvenir agréable de notre vie pour que revienne une sensation de bonheur douce et apaisante. C'est un truc bon à savoir, surtout en ce moment. Et c'est ce que nous chante l'autrice, compositrice, interprète de la scène musicale indépendante du Québec, Pascal Leblanc, sur ce single « Bonheur passé ». Saisir le bonheur, coller bout à bout ces instants, d'où émanait la douceur, pour ne plus qu'il soit figé dans le temps, je voudrais cueillir les espaces où ma mémoire est exempte de peine, avant que tout ne s'efface, les regarder défilant à la chaîne. J'ai pour tout bagage que ce trésor d'ancienne volupté. C'est toujours d'orage que je ressens mes bonheurs passés. Quand je pense au bonheur passé, c'est lui imposer des sourires et des rires, qu'il devienne un bout en train, même quand la joie s'est couchée pour dormir ou mourir. C'est comme une mer d'espérance aux perles de miel qui font envie. Je mords dans mon existence pour qu'elle me paraisse belle là. J'ai un trésor de sérénité. Au bout du voyage, ce sera mon or, mes bonheurs passés. Quand je pense au bonheur passé, mes nuages ne font que passer. Quand je pense au bonheur passé. Olivier Faubert est originaire de Montréal. Il n'a que 11 ans quand il découvre sa passion pour la musique en décrochant son premier rôle professionnel dans une comédie musicale. Son désir de composer ses propres chansons l'amène à créer plusieurs groupes rock entre 2009 et 2020. En février 2021, il est sélectionné parmi plus de 5000 candidats à Star Academy. Le voici, Olivier Faubert, avec Multicolore. Vous écoutez La Courte Échelle. Destination Québec. Destination Québec. Le 1er mars dernier, après avoir dévoilé Rodeo, un premier titre fort prometteur, le projet Groove Folk d'Emeric Saint-Cyr-Labbé, alias Mon Doux Seigneur, révèle Mélodie. Des larmes, lequel Connolly est un jeune artiste, compositeur, interprète de 17 ans de la rive sud de Montréal. La voici avec Lee. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Natif du village de Saint-Côme dans la région de Lanaudière, Éric Baudry a à ce jour fait entendre sa musique dans plus de 20 pays. Depuis plus de 30 ans, il est connu comme artiste de l'avant-scène de la musique traditionnelle québécoise au sein de plusieurs formations, dont par exemple la Bottine Souriante. Je vous propose d'écouter ensemble dans cette destination Québec La Futilité, Éric Baudry. Destination Québec. Je suis une marionnette, je critique, je rouspète. Je ne suis qu'un pantin, il faut toujours qu'on me tienne la main. Je suis une marionnette, Pacifique mais redneck. Je ne suis qu'un pantin, je fais pareil comme mon voisin. Et de longs discours et de grands détours qui font briller la futilité. Après le discours à bout de détours, on se rendra jamais dans 100 ans. Je tiens par les fils de la bonne conscience. Je reste immobile, sauf pour prendre des vacances. je tiens par les fils du libre-échange, je reste immobile, je veux surtout pas qu'on me dérange. Et de longs discours et de grands détours qui entraînent à la futilité. Après les discours et un bout de détour, on se rendra jamais dans 100 ans. Se répète et je n'y change rien. Je vois dans mes lunettes la vie qui s'éteint. Les erreurs se répètent et j'ai l'impression de servir à rien. Et de longs discours et de grands détours qui font traîner la futilité. Après les discours à bout de rendra jamais dans 100 ans. Vous écoutez La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants, chaque semaine des talents à découvrir. Guylaine Tanguay a joué d'audace en réunissant sur un même disque son amour du country et son admiration pour la grande Ginette Renault. Voici Je ne suis qu'une chanson. Je ne me suis pas épargnée. Toute ma vie j'ai raconté, comme si ça ne se voyait pas, que la pudeur en moi n'existe pas. Ce soir, au rythme de mes fantaisies, je vous ai fait partager ma vie en rêve ou en réalité. Ça n'en demeure pas moins la vérité. Mais moi, je ne suis qu'une chanson. Je ris, je pleure. Trop éclairé, je j'aurai du mal à me sauver de moi. Mais moi, je ne suis qu'une. Donnez-moi un verre, il est tout chaud, c'est le nouvel album de Danis Mallet. Voici le titre éponyme, si vous le voulez bien. La courte échelle. Cristina Ramirez est originaire du Portugal. C'est dans sa plus tendre enfance qu'elle est arrivée au Canada, à Québec. En 2018, elle a été lauréate du concours 3 pistoles en chanson dans la catégorie interprète de 40 ans et plus. L'artiste passionnée a participé à plusieurs projets musicaux au cours des dernières années. La voici avec Respire. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Perdue dans mes histoires qui ont changé les battements de mon cœur. J'ai tant cherché une simple lueur d'espoir. J'y ai pensé souvent pendant des heures. Le groupe Bill Bocquet, c'est Guillaume Martin Laval aux voix et à la guitare, Benoît Finlay à la basse, Martin Lavoie à la batterie et Chris Jones à la guitare. Ils font équipe, ces quatre-là, depuis 2014. Et ils nous proposent un extrait de leur album qui sort ces jours-ci avec « Tout est à personne ». Pour terminer, la courte échelle Destination Québec du jour. La courte échelle, destination Québec. J'aimerais bien enfin fermer mon paradis d'anxiété. des doutes. Je sais que dans la vie y'a personne qui a tout. C'est sûr que sans toi je deviens affamé. Mais je sais, tout est ta personne. Dans cette émission, eh bien, nous avons fait un peu le tour de la palette des artistes québécois. Ils sont nombreux, croyez-moi, avec tous autant de talents les uns que les autres. On en découvre d'autres très bientôt dans une nouvelle Destination Québec. D'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde et surtout, soyez heureux. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants.